Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'un des accidents les plus marquants de l'histoire aéronautique française, le crash de la Caravelle Ajaccio-Nice le 11 septembre 1968. Voilà bientôt un demi-siècle que l'affaire de la Caravelle défraie régulièrement l'actualité à l'occasion d'un rebondissement, d'une date anniversaire ou de révélation de nouveaux témoins. De leur côté, les familles et les proches des 95 victimes de cette catastrophe continuent de se battre pour que toute la lumière soit faite. Car malgré plusieurs années de recherche et d'investigation, malgré le rapport d'une commission d'enquête technique, malgré les déclarations de certains responsables politiques, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Des doutes renforcés par la découverte ces dernières années de plusieurs documents d'archives issus des bibliothèques et des réserves de l'armée. Des éléments qui viennent remettre en question toute l'enquête menée par les autorités de l'époque et qui, de fait, battent aussi en brèche la version officielle jusque-là admise, à savoir que le crash de la Caravelle serait dû à un incendie d'origine accidentelle. Or, et sans donner aucunement dans la thèse du complot, il est permis de penser à un scénario beaucoup plus inquiétant et révoltant. Après le récit, nous recevrons Mathieu Paoli, président de l'Association des familles des victimes de la Caravelle. Il a perdu ses parents dans le crash de l'avion et il se bat depuis sans relâche pour que les pouvoirs publics acceptent enfin de mener une enquête digne de ce nom. Il nous présentera des documents qui montrent que l'armée et donc l'État ont délibérément menti dans cette affaire. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production Emmanuel Fournier, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, lecture Philippe Pierrard et Eric Oswald, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Michel Bézikian. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mercredi 11 septembre 1968, aéroport d'Ajaccio, il est un peu plus de 9h30. Ce matin-là, au-dessus de la Corse, déjà bénie des dieux pour la beauté hallucinante de ses paysages, le soleil brille comme d'habitude, vision de rêve et situation idéale pour la navigation. Au dernier étage de la tour de contrôle, on gère sur les écrans radars le trafic aérien et on suit à la jumelle ce qui se passe plus bas, au loin, sur le tarmac. Là, à proximité des hangars, quelques appareils moyen courrier stationnent les uns à côté des autres. Autour de l'un d'eux, des bagagistes et des mécaniciens s'affairent. L'avion en question est un biréacteur de type Caravelle aux couleurs de la compagnie nationale Air France. Arrivé un peu plus tôt en provenance de Marseille, il s'apprête à repartir pour effectuer une liaison de routine vers l'aéroport de Nice. Temps de vol estimé pour relier le continent, un peu plus de 45 minutes. Au même moment, dans le hall de départ, près d'une porte d'embarquement, les passagers pour Nice patientent en file indienne. Sur le carnet de vol, on compte 89 passagers, dont une dizaine d'enfants, auxquels s'ajoutent 6 membres d'équipage. Parmi cette foule d'anonymes, il y a Ange-Marie et Toussainte Paoli, les parents de notre invité, Mathieu Paoli. Eux font un dernier trajet vers Nice avant de retourner s'installer définitivement sur l'île de Beauté pour profiter de leur retraite. Après plusieurs minutes d'attente, les hôtesses invitent les passagers à franchir les portes qui donnent sur le tarmac. Tous se dirigent alors vers l'escalier d'accès à l'avion et s'engouffrent dans l'étroite cabine de la Caravelle où chacun s'installe à son siège. Au même moment, dans le cockpit, le commandant Michel Salomon entre en contact avec la tour de contrôle. Tour de contrôle, ici Caravelle Air France Hôtel Bravo pour mise en route. Caravelle Air France Hôtel Bravo, autorisé pour la mise en route. Rendez-vous à la piste 21. Décollage face sud, le vent est calme. Rappelez avant de pénétrer sur la piste d'envol. Bien reçu. Caravelle autorisée à vous aligner. Je vous rappelle pour décollage. Ok. Caravelle autorisée décollage. Affirmatif. Caravelle Air France, cap sur Bravo en montée vers 160. Puis contactez Marseille sur la fréquence 124.3. Au revoir, messieurs. Merci. À 10h08, la Caravelle d'Air France, assurant le vol 1611 pour Nice, se présente au bout de la piste 21 de l'aéroport d'Ajaccio. Le commandant Michel Salomon pousse la manette des gaz. L'avion prend progressivement de la vitesse et se met à filer sur la piste. Quelques centaines de mètres plus loin, l'appareil amorce son décollage, quitte la piste et s'envole pour atteindre son altitude de croisière. Après un virage à droite, il s'aligne sur un cap nord-nord-ouest, direction Nice. À bord, les paramètres de vol sont normaux, tout comme les éléments précités dans cette narration qui n'est autre pour l'instant que celle d'un vol on ne peut plus normal, ça ne vous aura pas échappé. Les instruments de navigation ne signalent d'ailleurs aucun problème. À l'arrière, le chef de cabine, Michel Gérard, organise le service de restauration rapide qui doit être servi durant le vol. L'hôtesse, Geneviève Tricot, et sa stagiaire préparent les thermos de boissons chaudes. Et ainsi, les minutes passent. La caravelle continue sa progression au-dessus de la Méditerranée. Dans la cabine, les passagers profitent d'un spectacle magnifique. À l'horizon, le ciel azur et la mer bleue se rejoignent et ne font qu'un. À l'arrivée à Nice, ce sera aussi beau. Certains d'entre eux, d'ailleurs, prennent des photos. À l'avant, dans le poste de pilotage, le commandant Salomon et son copilote entrent en contact avec le contrôle aérien situé à Marseille, puis avec celui de Nice, pour préparer tout simplement leur approche vers le continent. La caravelle vole toujours à son altitude de croisière, un peu plus de 4800 mètres d'altitude, et suit la trajectoire prévue. Tout est réglé comme du papier à musique, comme d'habitude dans le transport aérien, le plus sûr qui soit. À 10h26, après 18 minutes de vol, l'avion entame sa descente. Les échanges radio entre l'appareil et le contrôle aérien sont clairs, le ton est calme, lorsque soudain, à 10h31, tout bascule. Nice, ici Caravelle Air France, Hôtel Bravo. Caravelle Air France, Hôtel Bravo, ici Nice. J'ai des ennuis. Je vous écoute. Nous demandons atterrissage sur Nice où vous voudrez. Nous avons le feu à bord. Nous demandons atterrissage d'urgence. Roger, bien reçu. Vous êtes autorisé à descendre vers 2000 pieds. Quelles sont vos conditions de vol? Nous sommes en vue du sol et avons une bonne visibilité. Ok. Quelle est votre position actuelle et votre direction au compas pour rejoindre Nice? Rien à faire. On va se cracher si ça continue. J'ai un écho 25 dans le sud-sud-est. Je pense que c'est vous. Rappelez directement en finale pour la piste 05. Vent au sol, 340 degrés pour 6 nœuds. Caravelle Air France, Hôtel Bravo, ici Nice. À vous. Caravelle Air France, Hôtel Bravo, ici Nice. Répondez. Il est 10h33, c'est mercredi 11 septembre 1968, lorsque la caravelle du vol Air France 1611, assurant la liaison entre Ajaccio et Nice, disparaît des écrans radars. Immédiatement, le contrôle aérien de Nice alerte le CROSS, le centre régional opérationnel de la surveillance et du sauvetage. Par radio, le contrôleur aérien hurle « Caravelle en feu sur l'axe Nice, Ajaccio, contact perdu à 20 000 nautiques au sud d'Antibes, demandons assistance ». Le CROSS alerte à son tour tous les aéroports, aérodromes et postes d'observation de la région. Mais personne, que ce soit à la jumelle ou sur les instruments de détection, ne repère la caravelle. L'avion d'Air France demeure introuvable. Le commandant Salomon, son pilote, a parlé d'un départ de feu à bord de l'appareil. Ce dernier a-t-il détruit les instruments de télécommunication et de navigation? L'appareil est-il toujours en vol, en perdition ou s'est-il déjà abîmé? Il apparaît vite que cette seconde hypothèse est la plus sérieuse. En l'espace d'un quart d'heure, le centre de contrôle civil d'Aix-Marseille, qui lui aussi a vu disparaître l'avion de ses écrans, alerte le ministère de l'Intérieur et celui des Transports. Les téléphones s'affolent entre la capitale et le sud de la France. Sur les ondes des radios locales, on interrompt les programmes pour diffuser des communiqués spéciaux sur la disparition de l'avion. Radio Monte-Carlo met à contribution ses auditeurs et lance des appels à témoins. Dans les ports de Nice, Cannes, Antibes et sur le reste de la Côte d'Azur, plusieurs dizaines de bateaux prennent la mer et partent en direction de la zone probable du crash. À leur bord, gendarmes, policiers, marins-pompiers ou encore simples volontaires. Dans le ciel, des avions de reconnaissance et des hélicoptères de la sécurité civile décollent pour se rendre sur zone. Mais les heures passent et personne ne trouve la moindre trace de l'appareil. Se serait-on trompé dans l'estimation de la zone possible de l'accident? De son côté, la Marine nationale donne l'impression de s'intéresser de très près, elle aussi, au sort de cet appareil civil pourtant. L'armée mobilise en effet d'importants moyens de recherche aériens et maritimes. Et c'est d'ailleurs elle qui, 2h30 plus tard, à 12h11, annonce qu'un de ses avions de reconnaissance aurait enfin identifié des taches et des débris flottants qui appartiendraient à l'avion, des objets personnels ainsi que des restes humains. Première surprise, il s'agit d'une zone bien éloignée de celle où se déroulent actuellement les opérations de recherche. Les opérateurs radio se seraient-ils trompés dans leurs estimations? Beaucoup de questions se poseront par la suite sur cet aspect de l'affaire. Dépêché sur place, l'envoyé de spécial de France Inter, Jean-Paul Claustre, raconte la scène. Je suis assez bouleversé, je dois vous le dire très franchement, immédiatement, après ces quelques 3 heures passées en route, passées en mer, pour arriver jusque sur les lieux de l'accident. Situons-le immédiatement, il se trouve, comme disent les marins, à 163 degrés au nord du cap d'Antibes. Lorsqu'on arrive sur place, autant vous le dire tout de suite, il n'y a réellement de beau que le temps, parce que les flots, effectivement, ne montrent pas un spectacle bien joli. Et actuellement, il est extrêmement difficile plutôt de récupérer des débris, de récupérer ce qui peut être récupéré, car tout ce qu'on peut voir est assez infime et même, disons-le, assez insignifiant. J'ai un petit document obtenu directement en mer, donc c'est une interview que j'ai réalisée d'un sauveteur. Alors, je vous laisse entendre cette interview. On a été prévenu par le sémaphore, par les autorités, et on a été dirigé par Radio Brasse, qui avait les, comment dirais-je, qui avait les coordonnées approximatives de l'impact de l'avion, du dernier message d'avion, c'est-à-dire. À 20 000, la première information qu'on a eue, c'était à 20 000 dans le 180 centimes, à peu près 160 centimes. Il était quelle heure lorsque les premiers bateaux sont arrivés? Il devait être environ 12 heures. Voilà à peu près tout ce qu'on peut vous dire au retour de cette excursion en mer, une excursion assez affreuse, je dois vous le dire. Jeudi 12 septembre, la presse régionale et nationale relate la tragédie de la caravelle en première page. Avec elle, ce chiffre terrible, celui des 95 victimes dont on continue toujours de rechercher les corps. De leur côté, de nombreux témoins se manifestent et racontent aux journalistes avoir vu la veille dans le ciel une boule de feu suivie d'une traînée de fumée qui plongeait dans la mer. Des récits qui accréditent la thèse soutenue pour l'instant par les autorités, celle d'un possible incendie qui se serait déclaré à bord de l'appareil. Mais pour l'heure, il ne s'agit pas d'affirmations, non, juste des suppositions. Ce que l'on constate, en revanche, c'est que sur place, à Nice, les autorités policières et judiciaires semblent dépassées par l'ampleur de la tâche. À l'aéroport où sont acheminés les premiers débris de la caravelle récupérée en mer, les gendarmes ne procèdent à aucun examen, ne font aucun inventaire, ne prennent aucune photo. Dans plusieurs déclarations faites à la presse, ils vont même jusqu'à se contredire. Certains d'entre eux parlent d'une possible explosion à bord de l'appareil. Oui, vous avez bien entendu, une possible explosion. Avec ça, on est bien avancé. En réalité, ceux qui sur place semblent avoir les choses bien en main, ce sont des hommes arrivés directement par avion de Paris. Eux appartiennent à la CET, la commission d'enquête technique du bureau Enquête Accident. Ce sont des fonctionnaires, spécialistes des questions aéronautiques, et c'est à eux qu'on a demandé quelques heures seulement après le crash de mener l'enquête au nom de l'État. À leur tête, l'ingénieur général de l'air Gaston Fournier, assisté d'experts et d'anciens pilotes, tous membres des cercles de l'aéronautique. Cette équipe est parfaitement compétente pour déterminer les causes du drame. Elle va devoir travailler sous le regard et la pression des autorités et faire face à de nombreux obstacles. 3 jours plus tard, le samedi 14 septembre 1968, alors que les investigations techniques sont toujours en cours et que les recherches se poursuivent en mer, à Nice, les familles se recueillent. Nice, tout autant que la Corse a été bouleversée par la catastrophe aérienne de mercredi. C'est une foule dense et muette qui, en fin de matinée, se pressait aux abords du centre de protection civile de Nice pour assister à la levée de corps des 15 victimes, anonymes et affreusement mutilées, seules recueillies parmi les 95 disparus. De nombreuses personnalités étaient présentes. Vers 11h, à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, une caravelle spécialement affrété par Air France, a amené de Corse les familles des victimes. Seuls les parents et les proches étaient admis à pénétrer dans la chapelle ardente. L'absoute a été donnée par les représentants des cultes catholiques, protestants et israélites. Il est cependant impossible de décrire l'atmosphère tragique de cette cérémonie. Plusieurs personnes se sont évanouies et les cris déchirants des parents des disparus bouleversaient l'assistance. Une semaine après l'accident de la caravelle, les cérémonies d'hommage se poursuivent en Corse et ailleurs sur le continent. L'opinion française est sous le choc. Et très vite on s'interroge. Quelles sont les raisons qui ont conduit à ce drame? Pourquoi tout ce temps pour retrouver les débris? Et enfin, pourquoi la marine nationale, qui a déployé d'importants moyens sur zone, semble-t-elle s'intéresser d'aussi près à ce dossier? Parmi les scénarios évoqués dans la presse, trois retiennent l'attention des lecteurs. Il y a d'abord l'hypothèse officielle, relayée par les autorités. Un feu accidentel dans la cabine, provoqué par un dysfonctionnement de matériel ou par l'imprudence d'un passager. On fumait à l'époque dans les avions. Le feu aurait ensuite endommagé les commandes, rendant l'appareil incontrôlable et provoquant sa chute. Bien. Toujours est-il que les avions de type Caravelle sont équipés d'extincteurs et son personnel de cabine est formé pour maîtriser ce genre de situation. Alors, l'incendie était-il si violent qu'il n'a laissé aucune chance aux trois membres d'équipage de le circonscrire ? Seconde hypothèse, celle d'un attentat à bord de l'avion. Dans le contexte de 1968 et des tensions qui assaillent la France du général de Gaulle, un groupe extrémiste français ou étranger aurait pu s'en prendre à un avion de la compagnie nationale et à ses passagers. L'hypothèse est avancée, mais personne n'y croit vraiment. Non, c'est sans aucun doute la troisième hypothèse qui fait rapidement polémique. Dans son édition du 22 septembre 1968, l'hebdomadaire Paris Match évoque pour la première fois la possibilité d'un missile d'entraînement. Surprenante à première vue, cette théorie se révèle pourtant parfaitement crédible. En effet, lors de son trajet Ajaccio-Nice, la Caravelle d'Air France est passée très près d'une zone d'exercice et de test de fusées de l'armée. Volant dans un couloir aérien sécurisé, ayant amorcé sa descente trop tôt, l'appareil aurait pénétré dans la zone de tir par erreur. Cette thèse rejoint certains témoignages de sauveteurs qui disent avoir retrouvé sur l'eau des pièces déformées ou fondues, éléments qui laissent entrevoir la possibilité d'une collision entre un objet et la Caravelle. À moins de croiser une soucoupe volante, un objet qui parcourt le ciel, c'est soit un avion, soit un missile. Évidemment, la piste d'un missile qui aurait dévié de sa trajectoire est extrêmement embarrassante. Elle pourrait expliquer pourquoi la Marine nationale et l'État suivent de si près ce dossier. Et d'ailleurs, on va le voir, elle pourrait expliquer également pourquoi les autorités vont tout faire pour verrouiller l'enquête autour de cette affaire qui commence à ressembler à une épouvantable bavure de l'armée. Dans les semaines qui suivent, sur place à Nice, les hommes de la commission d'enquête technique s'activent. Pour connaître la nature de l'incident à bord de l'avion, ils veulent remonter les pièces de la carlingue, les réacteurs et bien sûr la boîte noire, qui on le pense alors, contient toutes les informations du vol. Les hommes du CET sollicitent donc l'aide de l'armée pour retrouver l'épave et les débris de l'appareil qui gisent par plus de 2000 mètres de fond au large d'Antibes. Le 12 novembre, deux mois après le crash, la première opération de dragage des fonds commence avec ce qu'on appelle des navires câbliers. Au large d'Antibes, nous survolons les deux navires câbliers, Marcel Bayard et Ampère, qui tentent actuellement une opération sans précédent. Repêcher l'épave de la Caravelle Ajaccio-Nice, qui s'est abîmée en mer avec 95 personnes à bord le 11 septembre dernier. En dépit du secret qui entoure ces opérations, on pense que les deux câbliers vont ratisser les fonds marins grâce à un chalut géant. Les ingénieurs de la commission d'enquête, les techniciens de la marine espèrent que l'Ampère et le Marcel Bayard remonteront dans leur filet les débris de la Caravelle. Pour le moment, les deux navires qui opèrent très près de la bouée signalant le point de chute de l'avion repéreraient, avec les moyens de détection dont ils disposent, les débris de la Caravelle qui seraient dispersés sur une surface de 6 km carrés. Faute de résultats concrets, les recherches sont interrompues 15 jours plus tard. Elles ne reprennent qu'au début de l'année 1969 par une vaste campagne de recherche photographique sous-marine. Et là, se produit un phénomène étonnant. Aucun des policiers ni des magistrats mobilisés ne pourra avoir accès à ces clichés. Aurait-on photographié au fond de l'eau quelque chose qu'il ne fallait pas montrer et dont il ne faut surtout pas parler ? Plus surprenant encore, au début de l'année 69, dans une note interne longtemps gardée secrète, l'ingénieur en chef de la CET, Gaston Fournier, explique à ses supérieurs qu'on a tenté d'entraver son enquête en lui dissimulant certaines informations pourtant capitales. Il est question ici des enregistrements du contrôle radar réalisé par le centre de Marseille. En effet, une semaine après la catastrophe, le 18 septembre, les hommes du CET ont tout naturellement demandé à pouvoir expertiser ce matériel grâce auquel on pourrait préciser la trajectoire de l'avion et donc l'emplacement de l'épave. Or, on leur répond que ces enregistrements n'existent plus avant finalement d'accepter de les leur remettre 6 mois plus tard. Que s'est-il passé entre-temps ? A-t-on cherché à modifier les enregistrements, à dissimuler des éléments compromettants à la commission d'enquête ? Personne aujourd'hui encore ne détient d'explication sur ce point troublant. Au milieu de l'année 69, alors que l'on s'approche bientôt du premier anniversaire de la catastrophe, le plus grand flou règne toujours sur ce dossier. De son côté, la presse spécule. Les proches des victimes, eux, doutent. L'avocat des familles, maître Gérard Gubernatis, monte au créneau. Dans une lettre envoyée au juge d'instruction, il résume bien l'atmosphère qui règne sur ce dossier. Il dit « Les familles sont les premières à éprouver le besoin de connaître la vérité. On aimerait que les témoins soient entendus. Un accident de cette nature ne peut être l'effet du hasard. Alors on est en droit de se demander s'il n'a pas été occasionné par l'impact d'un missile. Nous sommes en droit d'exiger qu'une enquête soit faite en toute indépendance. » Lettre morte. À l'image de toute cette affaire, ne pas fouiller, ne pas chercher à en savoir plus. Thoughts are bouncing in my brain. Oh Lord, are they gonna change? Seems a lot of years and years ago. I need it so. Can I go on sad? I feel so bad. About it all the time. It hurts just to think about the lies. Gonna sing a song again, but not the one that's running in my head. I gotta learn to be a man and help myself. I gotta go on. I can't last long singing this song. RTF Information, Yves Mourouzi, Michel Forgit, Alain Fernbach et André Bibal pour les sports font pour vous le point de l'actualité. On va essayer une nouvelle fois de récupérer les pièces essentielles de la caravelle Ajacionis qui gît par près de 2000 mètres de fond en Méditerranée. L'avion s'était écrasé en mer au large du Cap d'Antibes le 11 septembre 68, quelques minutes seulement, avant d'atterrir sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Cette catastrophe inexpliquée avait fait 95 morts. La seule hypothèse retenue sous toute réserve est un incendie qui se serait déclaré subitement au niveau du réacteur gauche de la caravelle. Toutes les tentatives de récupération se sont soldées jusqu'à ce jour par un échec. Une nouvelle opération doit commencer dans quelques jours, vraisemblablement aux environs du 15 octobre. Au mois de novembre 1969, soit un peu plus d'un an après le crash, le site de recherche de l'épave de la caravelle est désormais bien délimité. Alors, on s'organise avec l'aide de l'armée, une troisième campagne d'études des fonds marins pour retrouver des débris de l'appareil. Après la campagne réussie durant l'été, on retrouve effectivement de nombreux débris. Pourtant, personne, à l'exception des membres de la commission d'enquête technique, n'y aura accès. Celle-ci précisera qu'il s'agit de débris légers. Chaussures, morceaux de gilets de sauvetage ou de moquettes, vêtements, éléments de voilure, mais pas de boîte noire, ni de morceaux de réacteur. Non. Des débris légers qui seront par la suite acheminés à l'arsenal militaire de Toulon pour y être entreposés dans le plus grand secret avant d'être expédiés à Paris ou à Toulouse pour analyse. Au même moment, dans les médias, on assiste à une opération de communication savamment orchestrée par les autorités. Plusieurs responsables du ministère des Transports prétendent que la thèse, pour le moment privilégiée par les enquêteurs de la commission d'enquête, est bien celle de l'incendie, encore et toujours. Des informations surprenantes, quand on sait qu'à ce moment-là, la CET n'a pas encore rendu son rapport préliminaire sur les causes de l'accident. Alors, a-t-on cherché à influencer la décision de la commission d'enquête ? Aucun élément ne prouve, mais les faits sont là, et encore une fois, ils sont troublants. D'autant plus que dans les mois qui suivent, une série d'accidents sur la Côte d'Azur vient remettre en lumière l'hypothèse d'une collision entre l'avion d'Air France et un missile. En effet, au printemps 1970, les journaux locaux font leur une de plusieurs ratés de l'armée. Dans les zones d'entraînement des Alpes-Maritimes et du Var, des missiles hors de contrôle s'écrasent sur des plages, à côté des baigneurs, mais oui, d'autres dans la mer, à proximité d'embarcations. Et enfin, l'un d'eux termine sa course dans le jardin d'une villa coquette des hauteurs du Lavandou, qui appartient, ironie de l'histoire, à la sœur du ministre de la Défense, Michel Debré, genre arroseur arrosé. Si heureusement cette série noire ne fait aucun mort ni blessé, elle témoigne de l'intense activité militaire dans cette zone et des essais de missiles parfois hasardeux qui y sont réalisés. À la CET, on élude soigneusement la question du missile et on affirme que cette théorie ne tient pas la route. Pourtant, dans ce qui ressemble de plus en plus à une vaste entreprise de désinformation, un homme émet de sérieuses réserves sur l'enquête menée par les seuls experts appartenant au bureau Enquête Accident. Il s'agit du commissaire divisionnaire Paul Galantoni. C'est lui que les juges d'instruction en charge de la procédure sur l'accident de la caravelle ont désigné pour mener les investigations de police sur le crash. Or, depuis bientôt 2 ans, il fait face aux réticences de la CET à partager avec lui certaines informations. Pire, le commissaire Galantoni constate que les membres de la CET ne tiennent pas compte des observations des policiers, gendarmes, experts indépendants et même de certains témoins. S'agit-il là d'un manque de professionnalisme ou au contraire la preuve que quelqu'un en haut lieu téléguide toute l'enquête et oriente les investigations ? Au mois de mars 1971, alors que l'enquête tourne toujours en rond, on repêche enfin la boîte noire. Alors ces fameuses boîtes noires, cette boîte noire, la voici, vous la voyez. D'ailleurs, elle n'est pas noire, elle est orange. Comment fonctionnent ces boîtes ? Alors quel est leur rôle ? Comment fonctionnent ces boîtes ? Alors, cet enregistreur est en fait une espèce d'appareil photographique un petit peu perfectionné. Il est constitué d'un chargeur. Alors à l'intérieur de ce chargeur, il y a une bande. Il y a une bande de papier photographique. Alors cette bande défile extrêmement lentement. Cette bande défile extrêmement lentement. Elle va pouvoir enregistrer combien d'heures ? Environ une centaine d'heures. La boîte est reliée à la fois par des câbles et par des circuits pneumatiques aux éléments principaux de l'appareil et permet en particulier d'enregistrer l'altitude, la vitesse de l'avion, la direction de l'avion, c'est-à-dire son cap, l'accélération verticale et le passage à la verticale des balises radioélectriques qui permettent de déterminer avec précision la route de l'avion par rapport au sol. Alors dans le cas de la Caravelle Ajaccio Nice, s'il y a eu un impact, puisqu'on a parlé de collision possible, on avait parlé de fusée, l'enquête a toujours tenu à prouver le contraire, mais imaginons qu'il y ait eu une collision quelconque, comment ça va se transcrire sur cette bande? S'il y a eu collision, il y a eu évidemment une accélération importante au niveau de la structure. On devrait trouver une pointe ici sur l'enregistrement et l'amplitude de cette pointe, la mesure de cette pointe doit pouvoir permettre de dire quelle a été l'importance du choc. Après analyse et expertise, le scénario le pire se dévoile en termes d'enquête. La boîte noire est muette. Le 14 décembre 1972, 4 ans après l'accident de la Caravelle d'Air France, la commission d'enquête technique rend publique les conclusions de son rapport. Sur la base très mince d'un dossier d'à peine une vingtaine de pages, dans lequel ne sont expertisés ni les réacteurs, qu'on n'a officiellement jamais retrouvés, ni la boîte noire, illisible sur la partie du crash comme on l'a vu, la commission donne son avis sur l'origine probable de la catastrophe. Et dès les premières pages, les experts estiment que c'est un feu d'origine indéterminé, probablement un dysfonctionnement du chauffe-eau, qui s'est déclaré dans les toilettes à l'arrière de l'appareil et qui serait donc à l'origine du drame. Les fumées toxiques, poursuivent les experts, auraient asphyxié les pilotes qui auraient par la suite perdu le contrôle de leur avion. Mais comment expliquer que 2 ans plus tôt, dans leur pré-rapport, ces mêmes experts estimaient que les pilotes justement portaient leur masque à oxygène au moment de l'accident et donc n'avaient vraisemblablement pas été asphyxiés? La CET n'apportera jamais de réponse aux questions sur ce point. Mais ce qui révolte les familles de victimes, c'est que le rapport semble bâclé de bout en bout. Il manque même le nom d'une passagère dans la liste des victimes, mais oui. Et comme si ça ne suffisait pas, le sort s'acharne. Le chef de la CET, garant en principe de l'intégrité des pièces et les théories développées dans ce rapport, est mort 6 mois plus tôt. Dans ces conditions, quel crédit accorder à ce rapport, seul document disponible à ce jour pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé à bord de l'avion? Quant à l'hypothèse d'une collision entre la caravelle et un missile d'entraînement de l'armée, la commission d'enquête botte en touche, réaffirmant que l'armée a donné toutes les garanties sur le fait qu'il n'y a eu ce jour-là aucun tir d'essai dans la zone. Des propos qui rejoignent mot pour mot cette lettre, la 3e, signée de la main du ministre de la Défense, Michel Debray, envoyée aux familles 2 ans plus tôt. Monsieur, des rumeurs continuent à circuler imputant à un tir de missile la responsabilité de la perte de la caravelle Ajaccio-Nice, survenue le 11 septembre 1968. Je tiens à vous assurer personnellement que ces rumeurs sont dénuées de tout fondement et que rien ne permet d'infirmer les déclarations officielles précédentes. L'appareil n'a pas pu être victime d'une rencontre avec un engin non identifié. L'étude détaillée des activités militaires de cette journée dans le secteur méditerranéen en démontre formellement l'impossibilité. Une lettre signée de la main d'un ministre, mais fortement remise en question par la découverte récente de plusieurs documents d'archives qui prouvent, eux, que ce jour-là, au large d'Antibes, des tirs ont bien eu lieu à proximité du site stratégique de l'île de Levant. Alors, qui dit vrai dans cette affaire? Et surtout, s'agit-il d'un mensonge d'État? Et puis, comme dans un mauvais roman, les années passent et avec elles, le silence s'installe. Pour les familles des victimes, c'est un nouveau préjudice. Il leur faut vivre avec l'idée que la lumière ne sera peut-être jamais faite sur cette affaire. En 1970, 2 ans après la catastrophe, Mathieu Paoli, notre invité, dépose avec ses 2 frères et quelques familles une plainte contre Air France. Le tribunal rend son jugement le 8 mars 1974. Il met la compagnie aérienne française hors de cause. Entre-temps, un non-lieu est prononcé le 26 juin 1973 en faveur de la commission technique et donc de l'État. En 1983, faute d'éléments nouveaux, les faits sont désormais prescrits. Pourtant, les familles refusent de s'avouer vaincues. Elles veulent des réponses, elles veulent que la vérité éclate sur cette catastrophe qui, rappelons-le, a fait 95 victimes et autant de familles éplorées. Réunies tout d'abord en collectif, puis en association, elles vont continuer année après année à relancer les autorités et les juges pour obtenir qu'une enquête digne de ce nom soit enfin menée et que les circonstances de l'accident soient définitivement prouvées. Commence alors un marathon que va nous raconter Mathieu Paoli, une épreuve ponctuée de spectaculaires rebondissements qui tous orientent le scénario dans une autre direction que la thèse officielle de l'incendie, bien vers la thèse du missile, de la bavure. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Black night. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le crash de la caravelle Ajaccio-Nice, le 11 septembre 1968. Notre invité, Mathieu Paoli, bonjour. Bonjour, Fabrice Drouel. Mathieu Paoli, vous êtes le président de l'Association des familles de victimes de la catastrophe. Vous vous battez depuis bientôt 50 ans, 48 ans en fait, pour obtenir la vérité sur ce crash qui a coûté la vie à vos parents. Vous aviez une vingtaine d'années au moment de l'accident. Alors, je sais que c'est une histoire très dure pour vous, qu'il est probablement difficile d'y revenir, mais pourriez-vous nous raconter comment se sont déroulés les événements pour vous et vos deux frères? Comment avez-vous appris la nouvelle? Tout d'abord, les familles des victimes tiennent à remercier France Inter pour cette émission ô combien importante pour montrer au monde le combat que nous menons depuis 48 ans. Bon, pour revenir à la question, naturellement, c'est en rentrant à la maison le midi, j'ouvre la radio et à ce moment-là, j'entends, on est toujours sans nouvelles de la caravelle Ajaccio-Nice. Naturellement, j'ai frissonné, je me demandais pourquoi, qu'est-ce qui se passait, et je pensais que mes parents allaient rentrer justement à ce moment-là. Et je me suis dit, peut-être à une journée près, ils sont peut-être pas dans l'avion, ils sont dans l'avion. Alors, on a dit qu'est-ce qu'on allait faire. On a téléphoné à Nice pour savoir éventuellement qu'est-ce qu'il allait y avoir, qu'est-ce qui se passait. Et c'est là qu'ils nous ont dit, il est possible que vos parents soient dans cet avion. Donc le doute. J'imagine. Nous avons le doute. Et puis, on a encore essayé de voir, essayé de téléphoner en Corse pour savoir, pas moyen de trouver la solution. Et puis, le lendemain matin, une personne d'Air France est venue à la maison, a tapé. On a ouvert la porte, on se demandait... Là, c'est le lendemain, c'est le 12 septembre. C'est le lendemain, c'est le 12 septembre, d'accord. Oui, le lendemain. Et puis, c'est là qu'il nous a appris la nouvelle. Bon, vous voyez un peu dans quel état on était au moment où on nous a dit, vos parents, ils étaient dans l'avion. Il y a... Comment ces gens-là qui portent ces nouvelles-là se comportent-ils d'ailleurs? Vous avez senti une humanité quand même où ils... Vous savez, à cette époque-là, on était jeunes. La première réaction, rien que le fait de dire que c'était un représentant d'Air France, on n'a même pas essayé quoi que ce soit, on s'est jeté dans tous les coins. Vous avez compris quoi? On a compris tout de suite pourquoi il était présent. Alors, suite à ça, naturellement, il nous a donné ce qu'il fallait pour se rendre à la Chapelle Ardente à Nice. Donc, le vendredi soir, nous avons pris l'avion, dans des conditions un peu particulières, parce que en plus, nous avions été reçus dans le salon d'honneur d'Orly, et nous étions retenus. Pourquoi ? Il y avait une alerte à la bombe. Comme fait exprès, donc l'avion avait du retard. Alors naturellement, bon, on a pris l'avion, on est descendu à Nice, Chapelle Ardente. Comme vous avez évoqué, des personnes se trouvaient mal, naturellement, dont mon frère Louis est tombé dans... évanoui. S'est évanoui aussi. Mmh. Il était jeune, il vivait avec mes parents. Ah oui. Donc le fait de vivre avec... Et il devait partir en plus, il devait prendre l'avion avec mes parents pour aller en Corse, mais... Comme il avait envie de travailler pendant les vacances, il n'était pas parti. Donc il s'en est toujours plus ou moins voulu de ne pas être parti avec. Est-ce que dès le début, quand on vous a annoncé la terrible nouvelle, on vous a dit voilà ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un élément d'emblée, d'un élément, on va dire, on dirait aujourd'hui un élément de langage de la part d'Air France sur les causes des drames ? Rien ? Non. Vous n'avez demandé rien. Rien. Mais par contre, on a été reçu à Air France par la suite. On a été reçu à Air France. Bon, je n'ai pas trop rentré dans les détails parce que ça serait vraiment pas très bien à dire quand même. C'est-à-dire, sans entrer dans les détails. C'est-à-dire que, à l'époque, ils nous ont carrément voulu rembourser le kilo de bagage. Ouais, d'accord. Voilà. Bon. Quand on a été reçu. Alors, on va maintenant. Se plonger dans l'enquête. Alors, on a essayé de donner dans ce récit tous les éléments que nous connaissions, que nous avons recherchés. C'est aussi un travail d'enquête. Hein. Mais dans vos recherches sur l'affaire, vous avez retrouvé un document qui remet alors totalement en cause la version officielle. On rappelle la version d'incendie. Alors, il s'agit du Zonex, ça s'appelle comme ça. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette pièce et nous expliquer aussi comment vous l'avez obtenue. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette pièce? Ce Zonex, c'est un document militaire avec des relevés divers, et il a été récupéré dans le dossier d'instruction. Alors, ce fameux dossier, ce fameux Zonex, d'ailleurs, je vais vous montrer le Zonex. Oui, alors à la radio, c'est pas toujours facile. Donc, essayez de nous le décrire. Non, mais je vous d'accord. Montre, oui, vous bien déjà. Sûr, ouais. Et si vous voulez, c'est un document sur lequel on voit les zones d'activité qui ont lieu ce jour-là en Méditerranée. Qu'est-ce que vous appelez activité ? Activité, tir, toute nature, naturellement. D'accord. Militaire, donc, mais de toute nature. Toute nature militaire. Et pour ce zonex en question, il y a une zone qui a été noircie. Oui. Quand on a récupéré ce document, cette zone était noircie. Et dans cette zone-là, qu'on a pu faire revenir, disons, lisible, on voit les endroits exactement où se trouvent les zones de tir, ATM, qui veut dire tir contre but marin, et A50, qui veut dire tir contre avion. Et justement, c'est cet endroit-là qui avait été noirci quand on a récupéré ce fameux Zonex. Alors, en plus de ça, ce Zonex... Je vais quand même rajouter une chose qui est importante aussi, c'est qu'il a été modifié une heure après. Une heure après quoi ? Une heure après le crash de la caravelle. Très bien, très bien. Une heure après le crash, le Zonex a été modifié par la marine Toulon, par la préfecture certainement, qui a envoyé ce document-là à Toulon, qui a envoyé dans divers, aussi bien même certainement à l'État, certainement. Oui. Hein, et c'est pour ça que les doutes sont là. Bien sûr. Et vous l'avez récupéré quand, ce document ? Ah, ce Zonex, c'était avec le dossier d'instruction. C'était avec le dossier d'instruction, d'accord. Au tout début. Mais par contre, ce que je peux dire aussi, pour parler de ça, c'est que comme vous avez indiqué dans votre rapport, c'est que... Dans le récit, oui. Dans le récit, c'est que la zone était normalement fermée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tir ce jour-là. Or, nous avons récupéré aux archives de Paris les heures où avaient lieu ces tirs. Ouais. Les heures et les lieux. Et ça correspond à l'heure de vol de l'avion. Et qui correspondent exactement à l'heure où l'avion est passé au-dessus de cette zone. Alors je le dis aux auditeurs, hein, effectivement, les documents que vous montrez sont des documents officiels. Officiels, hein. Bien sûr, tout à fait. Dites-moi, Mathieu Paoli, avec votre frère Louis, donc vous continuez aujourd'hui encore à vous battre, se voit. Hein. Et au fur et à mesure des années, de nombreuses personnes sont sorties de l'ombre pour témoigner sur des procédés étranges qui ont eu lieu lors des investigations officielles menées justement par la commission d'enquête. Alors arrêtons-nous un instant sur le cas d'Alain Frasquet. Donc lui, il est intervenu en 2006, c'est bien ça ? Qu'est-ce qu'il vous a apporté, lui ? Disons, Alain Frasquet, c'est quand même un des témoins très très important. Pourquoi il est important ? Alors, pourquoi il est important ? Parce que ce jour-là, le jour où il y avait le zone ex en Méditerranée, la zone d'exercice. Mmh. Il y avait aussi au Mont Agel. Pardon. Au quoi? Au Mont Agel. Le Mont Agel, c'est au-dessus. Oui. C'est un endroit où les militaires surveillent la côte. D'accord. Avec les tirs, tout ce qui se passe. Et ils contrôlaient un exercice qui s'appelait l'exercice poker. Oui. Et cet exercice poker était suivi par l'ORTF, par des journalistes qui étaient descendus de Paris. D'accord. Et Debré nous a dit dans un courrier que les journalistes étaient rentrés au Mont Agel 10 minutes après le crash de la caravelle. Or, c'est faux, parce que nous avons des photos des pendules. À 10h06, ils étaient là-haut. Et à 10h42, ils étaient encore là-haut. Donc, pendant le crash de l'avion, avant et après, ils étaient présents. Donc, M. Frasquet, je vais venir à M. Frasquet. Oui. Lui, ce jour-là, il était à la Brague, à Toulon, puisqu'il est un journaliste, un preneur de son. Oui. Et quand la caravelle est tombée en mer, ils ont envoyé un bateau en mer pour justement faire le reportage. Le soir, lorsqu'il est rentré à la Brague, à Antibes, pardon, et lorsque il faisait son montage de film, il y avait l'équipe de l'ORTF qui était au Mont Agel, qui est descendue faire aussi le montage de film pour envoyer les images à Paris. Et justement, au moment où le film était en montage, il a entendu « Oh merde, elle nous a échappé ». On l'a perdu. Ah. Ils se sont posé les questions. Mais tiens, et ils se sont dit, c'est quoi ? Bien sûr. Alors, ils se sont posé la question, ils se sont dit, c'est peut-être la caravelle, c'est puisqu'ils étaient justement sur les lieux du crash. Et c'est là, justement, où, au moment où ils ont entendu ça, une équipe est rentrée dans le laboratoire où ils tournaient. Et c'est là qu'ils ont saisi la bande-son. La fameuse bande-son, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons le film de Lina qui sort sans bande-son. Le film est complet, on voit les images au Mont Agel, on voit les images tournées sur le lieu du crash, où les gens ramassent les débris, et la bande-son, il n'y en a pas. Donc, d'où un doute complémentaire à tout ce qu'on peut résumer aujourd'hui. C'est un vrai millefeuille de doute, hein, les uns sur les autres. Hein. Il n'y a pas que ces doutes-là. Heureusement, nous avons plus de 100 témoignages. Tiens, puisqu'on parle de témoins. Oui. Alors, attention, c'est court. Hein. Vous allez entendre un témoin visuel de l'accident qui s'appelle Étienne Bonnet, mais ça va très très vite. Oui. Une lueur bleue qui venait de derrière la caravelle est venue la frapper sur son réacteur du côté gauche. Bon, ben voilà, ça paraît clair. Oui. Enfin, bon, ça ne suffit pas. Non, mais attendez, c'est très très clair, parce que ce jour-là... ce monsieur se promenait le long des côtes avec des jumelles et il scrutait l'horizon comme ça, il se promenait. Et c'est là qu'il a vu avec ses jumelles la lumière bleue rentrer dans le réacteur gauche. Alors, d'autant plus, parce que là c'est un témoin, mais il y a aussi un autre témoin, Michel Latty. Ah, qu'est-ce qu'il dit lui ? Alors Michel Latty, lui, il était secrétaire militaire à l'état-major de Toulon. Il était militaire, il faisait son service militaire. Et en tant que secrétaire, c'est lui qui a eu le téléx en arrivant, qui lui disait que la caravelle était bien abattue par un missile. Bon. Et naturellement, ce militaire, eh bien, il n'a jamais été interrogé par la justice. Ça s'appelle un faisceau de présomption, hein. Il est fort. Alors, on va écouter une déclaration de maître Paul Solacaro, qui, je le rappelle, associé à Stéphane Nézard, votre avocat, oui. Sont vos avocats. Nos deux avocats, oui. Et là, il parle au micro de France 3, et là, nous sommes en 2007. Aujourd'hui, nous passons par la presse pour dire à M. de Montgolfier ou au vice-procureur qui a été chargé du dossier qui a été distribué aux accidents de la circulation, que voulez-vous faire ? Nous vous avons donné un certain nombre d'éléments. Ces éléments, ce sont des témoignages importants qui vont dans le sens de la thèse du missile qui aurait frappé la caravelle, qui serait à l'origine de cette catastrophe. Nous vous demandons quelle est votre décision. Voilà, alors vous continuez le combat, évidemment. Tout à fait. Avez écrit au président de la République ? Oui, j'ai écrit au président de la République, c'était l'année dernière. Oui. Naturellement, avec tous les documents qui attestaient vraiment du tir de missile. Et le 22 mars 2015, le président de la République, par l'intermédiaire de son directeur de cabinet, disait « Soyez certain de toute l'attention portée à votre démarche ainsi qu'aux motivations qui l'animent. À cet égard, je puis vous indiquer qu'il a été demandé au service historique de la Défense de déterminer au sein de dossiers à l'arborescence particulièrement complexe les documents relatifs à cet accident et éventuellement de lancer les procédures de déclassification qui s'imposeraient. » Alors, ça vous donne de l'espoir, ça ? Ben, ça nous donne de l'espoir, mais ça fait un an. Ça fait plus d'un an, ça fait un an et demi. Ouais. Et on n'a pas de réponse. Alors, vous relancez, comment ça se passe dans ces cas-là ? Ben, écoutez, vous savez qu'aujourd'hui, il y a le juge... Chez Mama, qui travaille bien, apparemment. Qui fait son travail. Mm-hmm. Hein, il est en train d'étudier le dossier, justement, de cette affaire, parce que c'est pas la première plainte que nous avons menée. Et cette plainte, la dernière plainte qui est quand même très très importante, c'est une plainte de soustraction et recel de preuves. Oui, ça ressemble à ça en tout cas, on ne peut pas l'affirmer. C'est tout à fait ça. Mais ça ressemble à ça. En tout cas, le récit, les éléments du récit, ce que vous apportez, vous en complément, ressemble à ça. Ah, tout à fait ça. Tout à fait. Quelle blessure ça a laissé en Corse, cette affaire ? Est-ce que les Corses sont emparés de cette affaire, y compris ceux qui n'ont pas été touchés directement ? Tous. On en parle, c'est quelque chose de... C'est un marqueur de l'histoire de la Corse d'aujourd'hui. Tous ont été touchés. Mmh. Il n'y a pas que la Corse. Il y avait, oui, bien sûr, des Irlandais, il y avait des Italiens, il y avait tout un tas de personnes. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'enfin, qu'ils nous disent cette vérité. Parce que là, ils mentent. L'État ment. Et ça, je n'ai pas peur de le dire. Parce que c'est la vérité. Et en plus de ça, ce que nous voulons, nous, maintenant, les familles, ce qu'elles veulent aujourd'hui, c'est qu'on puisse enfin faire notre deuil. Et enfin, que la levée du secret défense soit enfin ouverte à tout le monde. Et vous continuerez le combat tout à fait. Jusqu'à notre mort. Et vous n'êtes pas seul, évidemment. Non, vous avez votre frère, mais vous avez d'autres familles. Qui participe à... Bah écoutez, on a une association. Oui, on sait bien, effectivement. Bon, donc, j'ai mon ami qui est la trésorière. J'ai mon frère Louis qui est le secrétaire, je suis le président, et nous sommes à fond continuellement dessus. Nous ne lâcherons jamais le sujet tant que l'État n'aurait pas donné enfin ce que nous recherchons depuis l'origine. Est-ce que vous recherchez une vérité ? La réponse est oui, mais est-ce que vous avez intégré votre propre vérité selon laquelle c'est un missile ? Est-ce que pour vous, de toute façon c'est un missile, c'est pas autre chose ? Bien sûr. Bon, merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le crash de la caravelle Ajaccio-Nice le 11 septembre 1968, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter. Rendez-vous également, et bien sûr, sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.